Le vendredi 4 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les syndicats municipaux se disent révoltés du contenu de la loi 110 adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. La loi portant sur les relations de travail dans les municipalités donne au gouvernement le droit de décréter les conditions de travail quand les négociations s'éternisent. Les syndicats qualifient la loi d'injuste et d'inconstitutionnelle. Ils promettent de la contester devant les tribunaux. Le principal suspect des agressions à l'Université Laval est de retour en cours ce vendredi. Thiernot Houry Barry tente de retrouver sa liberté en attendant la tenue de son procès en lien avec les événements du 15 octobre dernier. Le jeune homme de 19 ans fait face à 12 accusations, dont 4 d'introduction par effraction et avec agression sexuelle. Il s'expose à une peine de prison à vie. Son complice, arrêté le 22 octobre dernier, n'a toujours pas comparu. Il a été libéré en attendant que des accusations soient portées contre lui. La circulation a de nouveau été paralysée ce matin sur le pont Pierre-Laporte. Un accident impliquant un camion-remorque est survenu vers 9h45, compliquant les déplacements entre les deux rives ainsi que sur l'autoroute Henri IV. L'accident a eu lieu à la hauteur de la rivière Chaudière, le camion ayant perdu une partie de son chargement. 2 voies sur 3 ont dû être fermées en direction sud et une autre en direction nord. Les temps d'attente dans les urgences du Québec sont toujours aussi longs. Selon le Journal de Québec, l'attente moyenne dans les urgences de la capitale nationale est de plus de 14 heures. C'est l'hôpital Saint-François d'Assise qui présente le pire délai de la région, avec 20 heures d'attente en moyenne. Au Québec, la moyenne du temps d'attente est de 15 heures, soit sensiblement le même qu'avant la réforme de la santé du ministre Gaétan Barrette. Monique Jérôme-Forget se dit sidérée devant l'envergure de la fraude qui aurait eu lieu à la Société immobilière du Québec. L'ancienne présidente du Conseil du Trésor québécois était en fonction lors des faits allégués. Radio-Canada a rapporté hier que le PDG de la SIC ainsi que 3 collaborateurs de fonds du Parti libéral du Québec aurait récolté près de 2 millions de dollars entre 2003 et 2008 dans le cadre de plusieurs transactions immobilières. Il s'agirait de la plus importante fraude d'une société d'État au Québec. Plus tôt ce matin, le chef caquiste François Legault a avancé que la fraude avait pu profiter au Parti libéral du Québec. Il a demandé au parti au pouvoir de rembourser toutes les sommes qui auraient pu être perçues de manière indue. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. On a 2 degrés présentement à Québec. C'est partiellement nuageux. Le mercure va grimper à 4 degrés cet après-midi. Ce soir et cette nuit, faible neige débutant après minuit, minimum de moins 1. Cette faible neige qui se poursuit jusqu'en mi-journée demain samedi, c'est généralement nuageux avec un maximum de 7 degrés par la suite. Le retour du soleil est programmé pour dimanche 6 novembre. Ce sera ensoleillé dimanche avec 6 degrés. Exactement le même scénario pour débuter la semaine lundi prochain, 6 degrés avec du soleil.